En Corée du Sud, d'après Yonhap News sud-coréen, le network contre l'agression des manuels par le gouvernement, constitué de plus de 460 formations civiles, sociales et d'histoire, et les partis de l'opposition, ont tenu le 12 courant un séminaire d'urgence au Parlement pour dénoncer l'illégitimité du manuel d'histoire exemplaire examiné sur place par les autorités.